fait froid, on se les gèle. Je conduis allongé dans le GL. Ligne droite, tu nous sur la selle. Tu sais comment on m'appelle. Je veux partir du Texas, c'est ce que je disais. Les gens te charquent, ils viennent même de guise. On se fout du nom, on se fout même de guise. De bas de jambes, le sommet pour viser. Apprends qu'un pote ne t'aime pas, c'est blessant. Au tech, on fait rien d'intéressant. À part se clasher, se faire sourire ou souffrir. Rapper depuis l'adolescence. Je peux me trouver la nuit, poser au check avec mes potos. Même si j'ai pas trop la mine, les fans passent que je prends des photos. Doré de platine, je représente ma team. Mazik sur vêtements croco. Moi, la moto, je la taquine. Je m'arrête à une vue, j'ai fait sur le choco. Surtout tout le gros son avec Moubia. Des histoires, y'en a de toutes sortes. Sache que des fois, une parole coutière. Quand t'assumes pas, ben t'aurais dû taire. Et ça frôle la mort, la prison. Ça se demande, ça sera quoi dans 10 ans. Les petits me disent, nous grandissons. Nous grandissons. Je veux que tu racontes ma vie à qui me fier maintenant. Je suis au quartier la nuit en survêt du Milan. Je suis posé au quartier. Mes chiens de la casse, sur vêtements, lunettes, quartier, toujours en place. J'suis posé au quartier, avec mes chiens de la casse, sur vêtements, lunettes, quartier, toujours en place. Quoi qu'il arrive, tu me vois souriant. T'es une brebis, mais fais pas le lion. Dans le ghetto, y'a des mecs brillants. Pour n'importe quel texte, sont bruyants. Il t'arrive une couille, ils sont ravis. Ils se mettent tous de ta vie. T'as compris, et merci, c'est le cœur, pas de profit. 3-5, ce nom, tu le vois de partout. Sans faire de tatou, je te dis ce que je pense, pas de tabou. Du mal à avancer, à croire que ça me tire derrière moi. Mets-toi à danser, pense à chose, fais comme moi. Crois pas, sur les épaules, j'ai beaucoup de poids. Malade, j'ai pas fait beaucoup dans ce mois. Dans ce mois, j'ai pas fait beaucoup dans ce mois. Dans ce mois, j'ai pas fait beaucoup dans ce mois. Tu racontes ma vie. Qui me fier maintenant. Je suis au quartier la nuit en survêt du Milan. Je suis posé au quartier avec mes chiens de la casse, sur vêtements, lunettes, quartier, toujours en place. Je suis posé au quartier avec mes chiens de la casse, sur vêtements, lunettes, quartier, toujours en place. Tu racontes ma vie à qui me fier maintenant. J'suis au quartier la nuit en survêt du Milan. J'suis posé au quartier avec mes chiens de la casse, sur vêtements, lunettes, quartier, toujours en place. J'suis posé au quartier avec mes chiens de la casse, sur vêtements, lunettes, quartier.